Psaume 56. Mishtam de David, donné au maître chantre, pour le chanter sur Jonathélem Rokim, touchant ce que les Philistins le prirent d'Angat. Ô Dieu, aie pitié de moi, car le mortel m'engloutit et m'opprime, me faisant tout le jour la guerre. Mes espions m'ont englouti tout le jour, car, ô Très-Haut, plusieurs me font la guerre. Le jour auquel je craindrai, je me confierai en toi. Je louerai en Dieu sa parole, je me confie en Dieu, je ne craindrai rien, que me fera la chair? Tout le jour ils tordent mes propos, et toutes leurs pensées tendent à me nuire. Ils s'assemblent, ils se tiennent cachés, ils observent mes talons, attendant comment ils surprendront mon âme. Leur moyen d'échapper, c'est par outrage. Ô Dieu, précipite les peuples en ta colère. Tu as compté mes allées et venues, même mes larmes dans tes vaisseaux, ne sont-elles pas écrites dans ton registre? Le jour auquel je crierai à toi, mes ennemis retourneront en arrière, je sais que Dieu est pour moi. Je louerai en Dieu sa parole, je louerai en l'Éternel sa parole. Je me confie en Dieu, je ne craindrai rien, que me fera l'homme? Ô Dieu, tes vœux seront sur moi, je te rendrai des actions de grâce. Puisque tu as délivré mon âme de la mort, ne garderais-tu pas mes pieds de broncher, afin que je marche devant Dieu en la lumière des vivants?